Le livre tibétain de la vie et de la mort. Chapitre 11. Conseil du cœur sur l'aide aux mourants. Première partie. Dans un centre de soins palliatifs que je connais, Émilie, une femme de près de 70 ans, mourait d'un cancer du sein. Sa fille venait la voir chaque jour et il semblait y avoir entre les deux femmes une relation heureuse. Pourtant, après le départ de sa fille, Émilie allait presque toujours s'asseoir à l'écart et pleurer. On finit par en découvrir la raison. La fille refusait complètement d'accepter l'aspect inéluctable de la mort de sa mère et passait même son temps à l'encourager à penser positivement, espérant qu'ainsi son cancer guérirait. Devant cette attitude, Émilie n'avait d'autre recours que de garder pour elle ses pensées, ses peurs profondes, sa terreur et son chagrin. Elle n'avait personne avec qui les partager, personne pour l'aider à les examiner, à comprendre sa vie et à trouver dans sa mort une signification apaisante. L'essentiel dans la vie est de parvenir à établir avec autrui une communication sincère, et exempte de peur. Et, comme me le montra Émilie, cela est d'autant plus important que la mort approche. Lors d'une première visite, il arrive souvent que la personne en fin de vie, ne connaissant pas vos intentions à son égard, ressente de l'insécurité et garde une certaine réserve. Ne vous attendez donc pas à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Contentez-vous de rester naturel et détendu. Soyez vous-même. Souvent, les mourants n'expriment pas clairement leurs désirs ou leurs pensées, et les proches ne savent que dire ni que faire. Il est difficile de découvrir ce qu'ils voudraient essayer de dire, ou parfois de cacher. C'est pourquoi la première chose à faire est de décharger l'atmosphère de toute tension, avec autant de naturel et de simplicité que possible. Une fois la confiance établie, l'atmosphère se détendra. La personne mourante pourra alors évoquer ce qui lui tient vraiment à cœur. Encouragez-la chaleureusement à exprimer, en toute liberté, les pensées, les peurs et les émotions qu'elle ressent à propos de l'imminence de sa mort. Pouvoir exposer ses émotions, honnêtement et sans dérobade, est crucial à toute possibilité de transformation. Si l'on veut se mettre en accord avec sa vie et mourir en paix. Vous devez lui donner une totale liberté, lui accorder votre entière permission de dire tout ce qu'elle désire exprimer. Lorsqu'elle parvient à partager avec vous ses sentiments les plus intimes, faites en sorte de ne pas l'interrompre, la contredire ou minimiser ce qu'elle dit. Les malades en phase terminale ou les mourants n'ont jamais, de toute leur vie, été aussi vulnérables, et vous devrez faire appel à tout votre tact, à toutes vos ressources de sensibilité, de chaleur et d'amour compatissant, si vous voulez qu'ils puissent se confier. Apprenez à écouter, apprenez à recevoir en silence, dans ce silence calme et ouvert qui leur permettra de se sentir acceptés. Restez aussi détendu que possible. Soyez à l'aise. Demeurez ainsi auprès de votre ami ou de votre parent, comme si vous n'aviez rien de plus important ni de plus agréable à faire. J'ai découvert que, comme dans toutes les situations graves de la vie, deux qualités sont extrêmement utiles : le bon sens et l'humour. L'humour possède le remarquable pouvoir d'alléger l'atmosphère. Il permet de replacer le processus de la mort dans sa véritable perspective universelle et de briser l'intensité et le caractère par trop solennel de la situation. Utilisez-le donc avec toute l'habileté et la délicatesse dont vous êtes capable. Ma propre expérience m'a également permis de découvrir qu'il est essentiel de ne pas prendre les choses trop personnellement. Alors que vous vous y attendez le moins, Une personne à l'approche de la mort peut faire de vous la cible de toute sa colère et de tous ses reproches. Comme le dit Elisabeth Kübler-Ross dans son ouvrage « Vivre avec la mort et les mourants », colère et grief peuvent être envoyés dans toutes les directions et projetés sur l'entourage, parfois presque au hasard. Ne vous imaginez pas que la fureur ainsi exprimée vous soit personnellement destinée. Comprenez qu'elle est surtout provoquée par la peur et le chagrin. Vous éviterez ainsi d'y réagir d'une manière qui pourrait s'avérer préjudiciable à la relation. Parfois, vous pouvez être tenté de prêcher votre propre foi ou de proposer aux mourants votre idéologie spirituelle. Écartez absolument cette tentation, surtout si vous avez le sentiment que ce n'est pas ce qu'il veut. Nul ne souhaite être sauvé par la croyance de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que votre tâche n'est pas de convertir qui que ce soit à quoi que ce soit, mais d'aider la personne en face de vous à découvrir en elle sa force, sa confiance, sa foi et sa spiritualité propre, quelle qu'elle soit. Bien sûr, si elle est réellement ouverte aux questions d'ordre spirituel et souhaite vraiment connaître votre point de vue, ne le lui cachez pas non plus. N'exigez pas trop de vous-même. Ne vous attendez pas à faire des miracles ou à sauver la personne mourante. Cela ne vous vaudra que des déceptions. Les gens meurent comme ils ont vécu, fidèles à eux-mêmes. Si vous désirez qu'une communication réelle s'établisse, vous devez faire un effort conscient pour accepter la personne sans réserve, pour la voir en fonction de sa vie, de son caractère, de son passé et de son histoire. Ne vous désolez pas non plus si votre aide semble avoir très peu d'effet et reste sans réponse. Nous ne pouvons connaître les conséquences profondes du soutien que nous apportons. Témoigner d'un amour inconditionnel. Ce dont une personne au seuil de la mort a besoin, c'est qu'on lui manifeste un amour inconditionnel et libéré de toute attente. Ne pensez pas qu'il vous faille en aucune façon être un expert. Soyez naturel, soyez vous-même, soyez un ami véritable. La personne sera réconfortée en vous sachant ainsi totalement proche, communiquant avec elle sur un pied d'égalité, d'être humain à être humain, en toute simplicité. Je vous ai dit plus tôt, témoignez au mourant un amour inconditionnel. Mais dans certaines situations, cela est loin d'être facile. Peut-être y a-t-il entre la personne et nous tout un passé de souffrance. La façon dont nous avons agi envers elle autrefois peut nous avoir laissé un sentiment de culpabilité à son égard. Ou bien nous éprouvons du ressentiment et de la colère en raison de sa conduite envers nous. J'aimerais vous présenter ici deux moyens très simples qui vous permettront de libérer votre amour pour la personne en fin de vie. Tout d'abord, considérez cette personne qui est là devant vous comme s'il s'agissait de vous-même. Elle a les mêmes besoins, le même désir fondamental de connaître le bonheur et d'éviter la souffrance, la même solitude, la même peur de l'inconnu, les mêmes zones secrètes de tristesse, les mêmes sentiments d'impuissance à peine avoués. Si vous faites réellement cela, vous verrez votre cœur s'ouvrir à l'autre et l'amour sera présent entre vous. Le deuxième moyen, que je trouve encore plus efficace, est de vous mettre directement et résolument à sa place. Imaginez-vous vous-même sur ce lit, confronté à votre propre mort. Imaginez que vous êtes là, seul, et que vous souffrez. Posez-vous alors vraiment ces questions. De quoi aurais-je le plus besoin? Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Qu'aimerais-je vraiment recevoir de l'ami en face de moi? Si vous faites ces deux pratiques, vous découvrirez sans doute que ce que la personne mourante désire et ce que vous-même désireriez le plus, être réellement aimé et acceptée. J'ai souvent remarqué aussi que les malades graves éprouvent un grand désir d'être touchés, d'être traités comme des personnes à part entière, et non comme des individus en mauvaise santé. Vous pouvez leur procurer beaucoup de réconfort en leur prenant simplement la main, en les regardant dans les yeux, en les massant doucement, en les tenant dans vos bras ou bien en respirant doucement au même rythme qu'elles. Le corps a sa manière propre d'exprimer l'amour. Utilisez sans crainte son langage, vous apporterez au mourant apaisement et réconfort. Nous oublions souvent que le mourant est en train de perdre la totalité de son univers, son foyer, son travail, ses relations, son corps et son esprit. Il perd tout à la fois. Toutes les pertes que nous pourrions subir tout au long de notre vie sont réunies, au moment de la mort, en une seule perte accablante. Aussi, comment un mourant pourrait-il ne pas éprouver tantôt tristesse, tantôt effroi ou colère? Elisabeth Kübler-Ross distingue 5 stades dans le processus d'acceptation de sa propre mort, qui sont le refus, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Bien sûr, tout le monde ne passe pas par tous ces stades, ni nécessairement dans cet ordre. Pour certains, la route de l'acceptation peut être extrêmement longue et pleine d'embûches, tandis que pour d'autres, elle n'aboutira jamais. Notre culture ne nous offre guère de véritables perspectives sur nos pensées, nos émotions et nos expériences. Aussi, nombreux sont ceux qui, face à la mort et à son défi ultime, se sentent trahis du fait de leur propre ignorance. Ils en éprouvent une frustration et une colère intenses, d'autant que personne ne semble vouloir vraiment les comprendre, ni comprendre leurs besoins les plus profonds. Cicely Saunders, grande pionnière du mouvement des soins palliatifs en Grande-Bretagne, a écrit dans son ouvrage « J'étais malade et vous m'avez rendu visite » la chose suivante. « Un jour, j'ai demandé à un homme qui se savait mourant ce qu'il attendait avant tout de ceux qui prenaient soin de lui. Il me répondit que quelqu'un ait l'air d'essayer de me comprendre. » Certes, comprendre pleinement autrui est impossible. Mais je n'oublierai jamais que cet homme ne demandait même pas que quelqu'un y parvînt, mais seulement se sente suffisamment concerné pour essayer. Il est essentiel de nous sentir suffisamment concernés pour essayer et de savoir réconforter la personne en lui assurant que tout ce qu'elle peut éprouver, frustration ou colère, est normal. À l'approche de la mort ressurgissent bien des émotions réprimées jusque-là. Tristesse, insensibilité, culpabilité ou même jalousie envers ceux qui sont encore bien portants. Aidez la personne à ne pas réprimer ses émotions lorsqu'elles surviennent. Soyez avec elle lorsque s'élèvent les vagues de douleur et de chagrin. Avec le temps, l'acceptation et une compréhension patiente, ses émotions s'apaiseront progressivement, laissant place à un état fondamental de sérénité, de calme et d'équilibre qui est profondément et véritablement le sien. N'essayez pas de faire preuve de trop de sagesse. Ne soyez pas constamment en quête de quelques paroles profondes. Vous n'avez pas à faire ou à dire quoi que ce soit pour améliorer la situation. Soyez simplement aussi présent que possible. Et si vous ressentez une angoisse ou une peur intense et ne savez que faire, reconnaissez-le ouvertement en parlant à la personne et en lui demandant son aide. Cette franchise vous rapprochera et permettra une communication plus libre entre vous. Les mourants savent parfois beaucoup mieux que nous ce que nous pouvons faire pour les aider. Apprenons donc à bénéficier de leur sagesse et permettons-leur de partager avec nous ce qu'ils savent. Rappelons-nous, recommande Cicely Saunders, que lorsque nous accompagnons les mourants, nous ne sommes pas les seuls à donner. Tôt ou tard, tous ceux qui assistent les mourants découvrent, face à leur endurance, à leur courage et souvent même à leur humour, qu'ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Cela, nous devons le leur dire. En effet, faire savoir au mourant que nous reconnaissons son courage peut souvent être pour lui une source d'inspiration. J'ai également découvert combien cela m'aide de me souvenir que la personne au seuil de la mort possède toujours en elle, quelque part, une bonté inhérente. Quelle que soit la fureur, l'émotion qui s'élève, et même si vous êtes momentanément choqué ou horrifié, le fait de vous centrer sur cette bonté intérieure vous donnera le contrôle et le recul nécessaires pour apporter tout le soutien possible. Lorsque vous vous querellez avec un ami qui vous est cher, vous n'oubliez pas ses bons côtés. Faites de même avec le mourant. Ne le jugez pas d'après les émotions qu'il manifeste. Votre acceptation lui donnera toute latitude de s'exprimer autant qu'il le souhaite. Traitez les mourants comme s'ils étaient toujours ce qu'ils sont capables d'être parfois, ouverts, aimants et généreux. Sur le plan le plus profond de la spiritualité, il m'est toujours d'un grand secours de me souvenir que le mourant, qu'il en soit conscient ou non, possède la vraie nature de Bouddha et le potentiel d'un éveil total. À mesure que la mort approche, cette possibilité s'accroît de bien des façons. Aussi, les mourants méritent-ils d'autant plus attention et respect. Dire la vérité. On me demande souvent s'il faut révéler à la personne qu'elle est mourante. Je réponds toujours oui, en y mettant toute la douceur, la bonté, la sensibilité et le tact possible. Après toutes ces années passées auprès des malades et des mourants, je partage l'avis d'Elisabeth Kübler-Ross qui est que la plupart des patients, sinon tous, le savent de toute façon. Ils le sentent par l'attention différente qu'on leur porte, par le comportement nouveau des gens à leur égard, par des voix qui chuchotent ou des bruits qu'on étouffe, par le visage en larmes d'un proche ou l'expression sombre et grave d'un membre de la famille qui ne peut dissimuler ce qu'il ressent. Je me suis aperçu que dans bien des cas, le malade sait instinctivement qu'il va mourir, mais compte sur les autres, son médecin ou ceux qu'il aime, pour le lui confirmer. S'ils ne le font pas, il pourra croire que les membres de sa famille sont incapables d'affronter cette réalité. Par conséquent, lui non plus n'abordera pas le sujet. Devant le manque de franchise de ses proches, il se sentira encore plus seul et angoissé. J'estime indispensable de dire la vérité au mourant. Il mérite au moins cela. Sinon, comment peut-il se préparer à la mort? Comment peut-il mener à leur terme les relations qui ont tissé sa vie? Comment peut-il régler les nombreux points pratiques qui lui restent à résoudre? Comment peut-il aider ceux qui lui survivront à affronter son départ? En tant que pratiquant spirituel, je crois que la mort offre à chacun de nous une magnifique occasion de se réconcilier avec sa vie entière. J'ai vu un très grand nombre de personnes saisir cette opportunité, de façon extrêmement inspirante, pour se transformer et se rapprocher de leur vérité intérieure la plus profonde. Par conséquent, révéler le plus tôt possible à quelqu'un, avec bonté et sensibilité, qu'il est sur le point de mourir, c'est lui donner réellement la possibilité de se préparer, de trouver la source de sa propre force et le sens de sa vie. J'aimerais vous raconter ici une histoire que je tiens de Sœur Brigid, une infirmière catholique travaillant dans un centre de soins palliatifs en Irlande. Monsieur Murphy avait environ 60 ans lorsque le médecin lui annonça, ainsi qu'à sa femme, qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Le lendemain, Madame Murphy se rendit auprès de son mari et ils passèrent la journée à parler et à pleurer. Sœur Brigide, observant le vieux couple, constata qu'ils continuaient à parler et que tous deux fondaient souvent en larmes. Rien n'ayant changé dans leur comportement au bout de 3 jours, elle se demanda si elle devait intervenir. C'est alors que, le jour suivant, les Murphy apparurent soudain très paisibles et détendus. Ils se tenaient par la main et se manifestaient beaucoup de tendresse. Sœur Brigide retint Madame Murphy dans le couloir et lui demanda ce qui s'était passé entre eux pour expliquer un tel changement d'attitude. Madame Murphy lui confia que lorsqu'ils avaient appris la mort imminente du mari, ils avaient évoqué toutes les années passées ensemble et de nombreux souvenirs leur étaient revenus en mémoire. Ils étaient mariés depuis presque 40 ans et, bien naturellement, éprouvaient énormément de chagrin à l'évocation de tout ce que, jamais plus, ils ne feraient ensemble. Monsieur Murphy avait alors rédigé son testament et adressé des messages d'adieu à ses enfants, devenus grands. Tout ceci était terriblement triste, tant il leur était difficile d'accepter ce départ, mais ils persévérèrent car Monsieur Murphy tenait à faire tout ce qu'il fallait pour bien terminer sa vie. Sœur Brigide me raconta que pendant les 3 dernières semaines de la vie de Monsieur Murphy, le couple rayonna de paix et d'un amour simple et radieux. Même après la mort de son mari, Madame Murphy continua à rendre visite aux malades du centre de soins, leur apportant à tous un grand réconfort. À travers cette histoire, je compris à la fois l'importance de révéler la vérité aux mourants dès que possible et le grand avantage que l'on trouve à affronter honnêtement la douleur de la perte. Les Murphy savaient tout ce qu'ils allaient perdre. Pourtant, en y faisant face avec courage et en portant le deuil ensemble, ils trouvèrent ce que rien ne pouvait leur ravir, un amour profond qui les unissait et qui survivrait à la mort de Monsieur Murphy. Les peurs liées à la mort. Je suis persuadé que l'une des choses qui aidèrent Madame Murphy à soutenir son mari fut d'avoir affronté en elle-même sa propre crainte de la mort. Vous ne pourrez aider un mourant que lorsque vous aurez reconnu que sa peur de mourir vous perturbe et réveille en vous des peurs très dérangeantes. Assister les mourants, c'est comme se retrouver face au miroir fidèle et implacable de votre propre réalité. Vous y voyez, mis à nu, le visage de votre propre épouvante et de votre propre terreur de la douleur. Si vous ne regardez pas ce visage, si vous n'acceptez pas l'existence de cette épouvante et de cette terreur, comment serez-vous capable d'en supporter la vision chez la personne mourante? S'il vous arrive d'assister les mourants, il vous faudra examiner chacune de vos réactions. En effet, elles se refléteront dans les leurs et auront une grande incidence, qu'elles soient positives ou négatives. Regarder vos peurs avec honnêteté vous aidera également dans votre propre cheminement vers la maturité. Je pense parfois qu'assister les mourants est peut-être l'une des manières les plus efficaces d'accélérer notre croissance en tant qu'être humain. Assister les mourants est en soi une contemplation et une réflexion profonde sur notre propre mort. C'est une manière de la regarder en face et de travailler avec elle. Lorsque vous accompagnez des personnes en fin de vie, vous pouvez parvenir à une sorte de résolution, une compréhension claire de ce qu'est le point essentiel de l'existence. Apprendre réellement à aider ceux qui vont mourir, c'est commencer à nous libérer de nos craintes et à devenir responsables de notre propre mort. C'est également trouver en nous le germe d'une compassion sans limite que nous n'avions peut-être jamais soupçonnée. Prendre conscience de nos propres peurs devant la mort nous sera d'un grand secours pour percevoir celle du mourant. Imaginez simplement, profondément, ce que ces peurs pourraient être. Peur d'une souffrance physique grandissante et incontrôlable. Peur de la souffrance morale. Peur de la déchéance. Peur de la dépendance. Peur d'avoir vécu en vain. Peur d'être séparé de ceux que nous aimons. Peur de perdre le contrôle de soi et peur de perdre le respect d'autrui. Peut-être notre plus grande peur est-elle la peur de la peur elle-même, dont l'emprise grandit à mesure que nous essayons de lui échapper. Éprouver de la peur, c'est souvent se sentir seul, abandonné, oublié de tous. Par contre, si quelqu'un vient vous tenir compagnie et vous exprime ses propres craintes, vous réalisez que la peur est un sentiment partagé par tous les êtres humains. Alors, le caractère aigu de la souffrance individuelle s'estompe. Les peurs reprennent leur dimension humaine et universelle. Vous êtes désormais capable de plus de compréhension et de compassion, et vous pouvez envisager vos propres peurs d'une façon bien plus positive et inspirante. À mesure que vous affronterez vos propres craintes et parviendrez à les accepter, vous serez de plus en plus sensibilisé à celle de la personne en face de vous. Vous verrez alors grandir en vous l'intelligence et l'intuition qui vous permettront de l'aider à exprimer librement ses craintes, à les affronter, puis à commencer à les dissiper habilement. Car le fait d'avoir affronté vos peurs vous rendra plus compatissant, courageux et lucide, mais également plus habile. Cette habileté vous permettra de découvrir toutes sortes de manières d'aider les mourants à se comprendre et à faire face à eux-mêmes. Nous éprouvons tous de l'angoisse à l'idée d'avoir à supporter une douleur accablante durant le processus de la mort. C'est pourtant l'une des craintes que l'on peut aujourd'hui dissiper le plus aisément. J'aimerais que chacun dans le monde sache que cette anxiété est désormais inutile. La douleur physique devrait être réduite à son minimum. La mort comporte en effet suffisamment de souffrance sans cela. Je connais bien le centre de soins palliatifs de St. Christopher's à Londres, où certains de mes étudiants ont terminé leur existence. Une étude y fut menée et montra que 98% des patients peuvent connaître une mort paisible s'ils reçoivent les soins appropriés. Le mouvement des soins palliatifs a développé une grande diversité de moyens pour apaiser la douleur, en combinant différentes médications qui ne sont pas uniquement des produits narcotiques. Les maîtres bouddhistes parlent de la nécessité de mourir consciemment, dans une maîtrise totale, et l'esprit aussi lucide, clair et serein que possible. La condition préalable pour y parvenir est de réduire la douleur à son minimum, sans pour autant embrumer la conscience du mourant. Ceci est actuellement possible et chacun devrait être en droit de recevoir ce soutien élémentaire lors de ce moment de transition éprouvant entre tous.